Bienvenue en 2030 glorieuse. Bon voyage. Qui aurait pu prédire, comme disait l'autre à l'époque, que là où on nous disait que la politique, tu te souviens, était tellement violente qu'il fallait personnalités qui étaient capables de tenir cette violence, de la rediriger dans son sens pour aller au bout, notamment du processus d'élection présidentielle. Et dans le camp de la gauche auquel on appartenait à l'époque, on disait à demi-mot qu'on n'avait pas d'autre choix que jouer cette héroïsation, cette surcompétition, cette incarnation, cette violence aussi parfois dans les propos à outrance, parce que sinon on n'existait pas médiatiquement ni politiquement, et qu'en fait c'est une personne qui a décidé de prendre à bras le corps la question du soin qui a permis enfin d'engager ce mouvement irréversible de coopération des 2030 glorieuses qui sont en train d'advenir devant nos yeux. Après, ça, c'est vrai que ça n'a pas été facile dès le départ, puisque en fait, y a des gens qui légitimement nous ont dit au départ, si c'est pour en fait mettre la poussière sous le tapis et dire tout le monde est beau, tout le monde il est gentil, forcément nous on n'est pas d'accord. Et ce qui a été vraiment puissant, en fait, c'est justement la capacité qu'on a eue à pas perdre en fait de nos exigences pour vraiment changer la société, pour entendre les personnes qui sont le plus qui ont été dans le passé le plus blessées par nos fonctionnements de société, pour revoir les choses. Donc c'est là où je pense que notre humilité elle a joué, c'est qu'on a été capable de s'écouter les uns les autres et de pas juste essayer de cacher les problèmes et de les aborder dans une posture vraiment de réparation. Et puis, la gauche a fait quelque chose d'important aussi, c'est qu'elle a arrêté de se parler à elle-même. Aujourd'hui, finalement, on a beaucoup plus de personnes qui se sont engagées dans les mouvements progressistes qui n'étaient absolument pas des personnes qui militaient et qui, aujourd'hui, se revendiquent militants, activistes, etc., mais qui, pour autant, ne sont pas des personnes qu'on voyait militer dans les 30 dernières années. Merci d'avoir voyagé avec nous en 2030 glorieuse. Si vous voulez continuer à muscler vos utopies, rendez-vous sur 2030glorieuse.org pour explorer la galaxie utopiste que nous mettons à votre disposition avec créativité, enthousiasme, humour et amour. Vous pourrez découvrir des méditations utopistes, des livres et pourquoi pas d'autres épisodes du podcast 2030 Glorieuse qui existe depuis plusieurs saisons déjà. Surtout, les 2030 Glorieuses, c'est un atelier d'intelligence collective qui permet de reprendre le pouvoir des imaginaires. Cet atelier peut se réaliser partout en France, voire même en Europe, ou en ligne. Et si vous le souhaitez, vous pouvez devenir guide de voyage en 2030 glorieuse pour rejoindre la communauté des centaines d'utopistes qui sont déjà tout autour de vous sans le savoir. Alors je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et à bientôt dans la communauté utopiste 2030 glorieuse.